بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis. Ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, l'homme devient vraiment rebelle, dès qu'il estime pouvoir se suffire à lui-même. Mais c'est vers ton Seigneur que tout retournera. أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur de Dieu de prier? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que Dieu le voit? Qu'il prenne garde. S'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Un toupet menteur et pécheur, qu'il appelle alors ses partisans. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu.